c'est un manège allant à toute vitesse. Les tournants sans cesse, elles vous donnent le vertige. Chaque voiture est refaite, mes personnalités. Et suivant votre attente, sans aucune seconde d'attente, je cherche à compromettre vos plus petites pensées. Afin de vous corrompre, afin de vous tromper. Et sans aucune consigne, je vole vos désirs. À peine j'ai commencé, vous vous sentez partir vers le néant. Yeah.